Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous metal dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On prend la suite un peu à la bourre, c'est vrai, après le Freaky Mix de ce soir. On vous annonce tout de suite, la dernière émission en direct aura lieu le dimanche 10 décembre, soit dans deux semaines. Pour l'occasion, on accueillera Emile, la tête pensante de Riposte Asso. Et puis bah voilà, ce sera l'occasion de se réécouter une dernière fois en direct, très, très plein de bonnes choses. Ce soir, émission en direct, l'équipe est présente, on est trois, on est là tous les trois. Ça veut donc dire qu'on aura droit à des petits focus pour ce soir, et j'ai le droit de le dire, il y en aura trois. Voilà, trois focus généreux, des focus violents, pas malins, et ce sera bien bon. Ouverture d'émission, justement, de manière violente et pas bien maligne, avec tout d'abord les vétérans du Tech Death, Proto Slam, Brutal Death, comme vous voulez, Suffocation. Ils nous sortent un nouvel effort studio, Hymn from the Apocrypha, le premier album studio où nous retrouvons monsieur Ricky Myers aux vocaux. Voilà, Ricky Myers suit le groupe depuis 2018. Sur leur tournée internationale, ça doit être 2018 ou 2019 que Frank Mullen a fait sa dernière tournée américaine avec Suffocation. On le retrouve d'ailleurs, le père Mullen, sur un morceau, Ignoring Deprivation, voilà le titre qui clôture l'album, avec un mix qui lui rend pas trop service, mais bon, on se rend aussi compte que vocalement il commence à sérieusement fatiguer. Donc voilà, Ricky Myers assure la relève avec brio. Et au niveau du travail qu'il a fait sur ses parties vocales, on est assez loin de ce qu'il pouvait faire dans Disgorge. Et en fait, la transition avec Suffo est intéressante sans être choquante. Donc voilà, Suffo a un groupe bien sûr à continuer à suivre de très très près parce que pour le coup je trouve que ce nouvel effort studio est particulièrement bon. Les derniers, sans être mauvais, étaient un peu en pilotage automatique. Là encore une fois, voilà, sans parler de renouvellement, on est vraiment sur un grand retour à la qualité très intéressante. Nuclear Blast, c'est leur écurie, c'est sorti au tout début du mois. C'est une nouveauté dans l'émission de ce soir, on s'écoutera le titre Immortal Execration. Et en doublette, on retrouvera les énervés américains de Year of the Knife qui nous ont sorti un nouvel album studio No Love Lost. Ce nouvel album a été enregistré au début de cette année, donc avant le terrible accident de voiture qu'a connu le groupe à la fin du printemps. Les musiciens les plus touchés vont de mieux en mieux, on vous en parlera dans les semaines à venir. On n'est pas à l'abri d'avoir une petite spéciale autour de Year of the Knife d'ici la fin de l'année. C'est sorti à la fin du mois d'octobre chez Pure Noise Records, et on s'écoute le titre Sometimes. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, c'est parti. We'll be right back. Allez, pour la suite, on remonte le temps et on ouvre les portes de l'EHPAD, avec cependant des sorties ultra qualitatives. Cirrus and Gaul, tout d'abord, le groupe de Heavy Epic Doom qui nous vient de Californie, actif depuis le tout début des années 70. Petite discographie cependant, bon, faut dire qu'il y a eu un long break de presque 30 ans entre les années début des années 90 et fin des années 2010. Ils nous sortent Dark Parade, 6e effort studio que j'ai vraiment trouvé excellent. Heavy comme il faut, Doom comme il faut, Epic comme il faut. Le tout porté par une voix et une prod vraiment excellente. Enfin, il y a des titres qui sont presque hypnotiques. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché à ce nouvel effort studio de Cirrus and Gaul. Moi, c'est un groupe que j'apprécie énormément depuis un paquet d'années. Une sortie Metal Blade, on s'écoutera le morceau Looking Glass en doublette. On rajeunit pas franchement. Autopsy, le groupe de Gordes, actif depuis le milieu des années 80. Voilà, le trio, quatuor, ça dépend des périodes, toujours emmené par le batteur-chanteur Chris Reffert. Ashes, Organ, Blood and Crips, c'est devenu hyper poétique depuis le Tourniquet, Toxo and Graves de 2014. Un peu comme Cirrus and Gaul, hein, Autopsy, ça va absolument rien renouveler, ça va absolument rien apporter en termes de créativité. C'est juste très bien fait, très bien pensé, très bien dosé. Et sur scène, c'est toujours la teuf. Bones to the Wall, extrait de l'album qui est sorti fin octobre chez Peaceville Records. C'est parti, Cirrus and Gaul, puis Autopsy. Darkness! 21h25 à la pendule de Radio Béton et on va ouvrir la première séquence poétique de ce soir avec l'ami Thibaut qui nous rejoint à l'antenne. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, qu'est-ce qu'on t'entend bien. Ah, c'est parfait. De la poésie donc pour ce soir. On commence avec les loustiques de Cranium qui nous viennent de Oslo. À l'origine, le groupe a été formé à Oslo. Après, aujourd'hui, ils sont un petit peu éparpillés dans le monde entier. Enfin, les nouveaux musiciens, parce qu'on va y revenir, mais le line-up a été un petit peu tumultueux. Ils sont étalés entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suisse. Il y en a un petit peu dans toute l'Europe, globalement. Ils nous proposent un slam death, slam brutal death depuis 2001. Ils en sont à leur sixième album. En 2008, ils sortent donc leur tout premier album, Ten Acts of Sickening Perversity. Pour moi, de mon point de vue, un enregistrement très amateur sur cette galette. Des compos sympas, on sent vraiment qu'il y a quand même une connaissance et une vraie volonté côté composition, mais desservie à mon sens par une production qui n'y rend pas honneur, en tout cas dans les codes que j'en attends moi aujourd'hui, parce que dans les années 2000, j'écoutais pas trop ce style et je m'y retrouve pas forcément dans les styles, dans les albums un peu old school du style. Mais ça posera les bases de ce que deviendra Cranium par la suite. En 2009, ils sortent The Art of Female Sodomy, que de la poésie donc. Pour moi, un enregistrement qui restera amateur. Et voilà, toujours pareil, ça aura du mal à décoller pour moi, dans le sens où l'enregistrement n'est pas au niveau de ce que peut proposer le travail de composition qui est sur les albums, qu'on sent vraiment sincère. Et je pense qu'à l'époque, même si l'album ne te parlait pas, t'allais les voir en live, t'en prenais une quand même sur la gueule. Là, voilà, l'album ne rend pas honneur, je pense, à leur travail. En 2012, Postmortal Coital Fixation. Pour moi, l'album passe là à un autre niveau. En termes d'enregistrement, ça commence à devenir très massif. Et on a une caisse claire Tefal du plus bel effet, qui personnellement me satisfait systématiquement parce que j'en demande pas beaucoup plus pour que ça me claque à l'oreille. Ça danse de ouf pendant tout l'album, c'est hyper groovy, c'est tout ce qu'on attend du style. Et voilà, c'est un album que j'apprécie énormément. Tu me coupes si t'as des trucs à dire sur l'un ou sur l'autre des albums. Je te laisse dérouler, puis après on prendra le temps éventuellement de revenir effectivement sur deux trois anecdotes, deux trois enrichissements qui rythment un peu le début de carrière de Cranium. Ouais. En 2015, Chronicles of Pervation. Les compos sont là, pareil, retour à un son qui me parle moins, qui est moins qualitatif à mon sens. Un son qui est absolument cradingue. Peut-être dans le bon sens du terme, mais qui ne me parle pas forcément sur cet album. C'est suppurant, c'est vraiment dégueulasse en termes de son. Ça ne dessert pas le groove à proprement parler dans l'album, mais je trouve que ça dessert le côté ultra violent. Et ça fait un peu bouillie sonore à certains moments. Je ne trouve pas, encore une fois, la qualité d'enregistrement que j'espère de ce style. En 2018, Chime Choses. Et là, tu as un son massif, américain, texan, comme il faut. Vraiment, t'as quelque chose de très Devorment qui se dégage de cet album. En tout cas, les Devorment d'aujourd'hui, peut-être plus. Une musique avec un son qui est parfaitement dégueulasse comme il faut. C'est violent, agressif. Enfin, j'ai vraiment adoré cet album. Je l'avais pas pris le temps de l'écouter en entier depuis que j'écoute un peu de Cranium comme ça à mes heures perdues, dirons-nous. Et vraiment, cet album est très très cool. Et j'en arrive au nouvel album, donc je te laisse compléter si tu as des petites choses à dire. Alors, donc effectivement, Cranium, des débuts baveux et dégoulinants. Le groupe, justement, a commencé à faire parler de lui post-2010 à échelle internationale. Les deux premiers albums étaient sortis à l'époque chez Explicit Records. Je viens de très mal prononcer le label Pathologically Explicit Records, c'est bien ce qu'il me semblait, il me manquait un morceau. Sur les deux premiers albums, à partir du troisième album, il passe chez Comatose Music, à partir de Postmortal Coital Fixation. Et voilà, donc là, énorme travail de fait sur le son, on passe sur un label un peu plus important, le groupe devient un peu plus professionnel. Avant d'arriver à Chronicles of Perversion, il y a eu pour moi une sortie vraiment emblématique dans la discographie de Cranium. C'est le split qu'ils ont fait avec Analepsy, le Cranialepsy album. Voilà, où chacun des deux groupes a mis 5-6 morceaux. Et au passage, c'était sorti sur un autre label encore. Hein. Voilà, avant d'arriver à Chronicles of Perversion, il n'y a pas de mauvais album chez Cranium, il n'y a que des mauvaises productions, ça c'est un peu dommage. Et hein ? Non, 2017. Et l'album est sorti en 2018. Chronicles of Perversion, ouais, c'est parce que 2015. Je voulais parler de Slam Causes, n'importe quoi. Oui. Chronicles, non, c'est dans la lignée du précédent. Oui. Voilà, Cranialepsy est sorti juste avant le Slam Causes. Je suis surpris que tu n'aies pas, je sais pas, pris le temps de parler des artworks, parce que tu le fais régulièrement quand on fait des focus. Après, nous y arrivons. Non, on en parlera après, on en parlera après. Je te propose d'écouter un morceau. Hein ? Non, je te propose d'écouter un morceau, peut-être justement. Exactement. Toi qui l'as choisi ce soir. Exactement. Du coup, un extrait, bien évidemment, de ce split avec Analepsie. Split and Air Head in Half, voilà, extrait de Cranialepsie, Split qui était sorti en 2017 chez Nemesis Records. Et là, Cranium commence vraiment, vraiment à faire exploser son art sur les murs. Thank you. 21h35 à la pendule de Radio Béton. On retrouve de nouveau Thibaut pour la deuxième partie de ce petit focus, que j'allais dire consacré aux Norvégiens, comparé aux poètes de Cranium. Mais ouais, alors, intellectuellement parlant, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu de société Cranium. Hein. Rassurez-vous. Très bien. Que de la poésie pour ce soir, voilà. Donc avec Cranium. Cranium, c'est une histoire assez mouvementée en termes de line-up. C'est un line-up qui a eu du mal à se solidifier au fil des années. Donc déjà, côté rythmique, ça a été un petit peu chaotique. Ils ont eu beaucoup de batteurs et de bassistes au cours de leur carrière. Des mercenaires qui sont venus, des personnes qui sont venues uniquement pour faire des... en session. Enfin, ils ont eu vraiment beaucoup de mouvements. Aujourd'hui, ne reste dans le groupe en tant que membre fondateur du groupe. Alors, que je ne confonde pas, le chanteur actuel. Raté, perdu, c'est l'inverse. C'est son frère qui reste. Son frère, donc le guitariste qui fait un petit peu les bacs également pendant les morceaux. Mats van der Rød. C'est tout à fait ça. Qui donc est à la guitare, comme je disais, et au chant. Et il avait formé le groupe à l'époque, en 2001, avec son frère Martin, qui s'est suicidé en 2017. Derrière ça, ils vont peiner. Ils vont beaucoup expérimenter avec d'autres musiciens au fur et à mesure des années. Et ils vont avoir du mal à se stabiliser en termes de line-up. Ce nouvel album qui sort là cette année, c'est le premier du batteur Tobias Stellenbach qui vient d'arriver en 2019. Enfin, ça commence à faire. On aura eu une longue pause hein, parce qu'ils avaient l'habitude de sortir un album tous les 3 ans. Et là, on est à 5 ans d'attente entre les deux albums, avec le précédent. Côté pochette, je ne sais pas si tu avais d'autres choses sur le line-up peut-être que je te... Non, bah le musicien le plus ancien à part Mats, c'est le guitariste Jason qui est là depuis 2015, donc effectivement beaucoup de mouvements. Jake, le nouveau chanteur, est arrivé en 2017. Il fait un énorme travail. C'est également le vocaliste de Guttural Slug. Pour ceux qui ne connaissent pas, intéressez-vous à ce projet. Et Mats van der Rød, du coup, le leader et fondateur de Cranium, a également plusieurs projets parallèles, mais il y en a un tout particulièrement, vous pouvez vous y intéresser, Dragging on Trails. Vous aimez Cranium, Dragging on Trails, c'est pire. Parfait. Voilà pour les petites anecdotes autour du line-up. En parlant de pire, on va parler un petit peu des pochettes, des albums qui ont quand même une saveur particulière. On est sur du gore porn pur et dur comme le veut un petit peu la tradition de ce style. Là, cette pochette, moi je la trouve vraiment réussie pour le coup. Je la trouve dans son style, mais classieuse à proprement parler. Je la trouve travaillée vraiment. Un peu plus soignée que les autres qui étaient juste bêtes et violentes. Ouais, voilà. Là, il y a un travail qui est soigné. Et en grattant un petit peu, en fait, donc le gars qui est derrière la création, John Zing, il a fait pas mal de logos pour pas mal de groupes de la scène Brutal Death. Mais il a aussi, alors dans les pochettes que j'ai remontées un petit peu, donc il a fait la pochette de l'album précédent déjà de Cranium, c'était lui. Il a la pochette de Life de Inhumate, le groupe de grindcore français, vient de Lorraine, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont fait cette pochette-là, et on leur doit également la pochette de l'excellent album de Acranius, When Mutation Becomes Hominicidal. L'espèce d'ours en charge là, qui, je trouve, sans être sublime, cette pochette, elle te claque à l'œil parce que, en plus, derrière, musicalement, c'est monstrueux ce qu'avait proposé à l'époque Acranius sur son album. Et du coup, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit peu l'habitude de manipuler tout ce côté un petit peu gore et porn gore. Parce que dans les groupes strictement Brutal Death et Slam, il a fait Abominable Putridity, Amputated, les Anglais. Enfin, effectivement, voilà, il baigne complètement dans le truc sans trembler des genoux, quoi. Puis avec une espèce de spécialité qui allait se dégager autour des logos, quand même, parce qu'il a quand même un gros palmarès autour des logos qu'il a dessinés. Donc voilà, un artiste qui a pondu une œuvre que je trouve presque au-dessus des différentes qu'il avait proposées précédemment. Donc voilà, travail très réussi et qui apporte énormément à cet album, je trouve. Comme je disais, 5 ans de maturation et de fermentation pour cet album de Cranium. De la maturité, du coup. De la maturité, je sais pas, mais en tout cas de maturation, ça c'est sûr. Le tout pour quelque chose de le plus violent, à mon sens, qu'ils aient proposé. une version pour moi en tout point améliorée par rapport à l'album précédent. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai l'impression d'avoir une version, une V2 de l'album précédent, parce qu'il est juste meilleur en tout point. Comment avoir avec le temps, mais moi, de mon point de vue, c'est de tous les albums celui que j'ai préféré de Cranium. Voir comment il vieillira dans mon oreille avec le temps, mais c'est vraiment l'album aujourd'hui qui m'a marqué de ce qu'a proposé vraiment tout le groupe sur sa discographie. Un travail de composition qui est vraiment louable, ça groove et c'est dégoulinant comme c'est pas permis. Et vraiment, t'as l'album qui te prend, il t'attrape la gorge pendant 40 minutes et ça s'arrête pas. Et t'as un son, et c'est épuisant tellement c'est massif au niveau du son. À noter du coup un changement de label, puisque là ils viennent d'arriver chez Unique Leader. C'est toujours la petite crainte à avoir quand on a un groupe de Brutal Death ou de Slam qui signe sur un label un peu plus spécialisé initialement dans le tech death, c'est qu'ils perdent un petit peu de ça. Stillbirth est passé au travers, Cytotoxine est passé au travers, Cranium est passé au travers, et c'est tant mieux. Ouais, complètement. T'as toujours cette peur que ça devienne un son trop moderne. Alors oui, le trop son... synthétique. Ouais, le son, oui, se modernise, clairement, c'est... Faut pas se le cacher. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu gagnes juste en profondeur sur l'ensemble du travail, et tout en gardant là un aspect très charnel et pas du tout numérique, comme on pourrait en avoir peur sur ce genre de production. Cranium, on commence à les avoir vus assez souvent sur scène, parce que pour le coup, Cranium tourne. Ouais. Régulièrement, des petites tournées ici ou là, des tournées un peu plus longues. Voilà, Cranium gagne en visibilité, gagne en notoriété, et on ne peut que s'en ravir, parce que tous les concerts de Cranium se ressemblent dans le sens où c'est la dose. Ouais, bah c'est là j'allais dire sur ce, ça, je me l'étais noté dans les notes, mais en live ça va être un massacre ce nouvel album. Enfin, ça va être une tuerie. Tout du long, tu vas prendre un rouleau compresseur dans la gueule et ça va être génial. Est-ce que tu peux prononcer le nom de cet album, s'il te plaît ? Je peux le prononcer, il faut que je le retrouve, merci. Tu veux me piéger, c'est ça ? Complètement. Scripture or Vicennial Defilement. Bon, c'est bon, on va faire encore quelques cours du soir en anglais. Branded Skullfucking, c'est le titre de Cranium que l'on s'écoute tout de suite pour illustrer le focus autour de cet album qui est sorti au tout début du mois. C'est parti. That's when you reached in and grabbed the brain? Yeah, I kicked at it a bit. Mm-hmm. And then what did you do after that? Then I had sex with her corpse. You did? Mm-hmm. Did you come inside her? I did, actually. Have you ever done that before, like had sex with her? No, I haven't, actually. This is just the first time? Oh yeah, I lost my virginity to a corpse. We'll be right back. fantasy of yours to kill her as well? It was. Did you write down that on your note? Oh, I did, actually, but I decided against it because, well, I had my fill of killing. @21h49 à la pendule de Radio Béton, il nous reste encore une bonne heure à passer ensemble dans l'émission de ce soir. Doublette suivante, tout d'abord Reckless qui nous vient de Colombie. Et pour le coup, c'est l'ami Sylvain qui va se coller à la présentation de cette formation sud-américaine. Bon, on les a déjà présentés ces dernières semaines, donc ça nous vient de Colombie. C'est du speed metal, signé sur le label allemand Day Victim Productions. C'est un peu un groupe Covid, hein, puisque formé en 2020, qui vient de sortir son premier album. C'est très inspiré par la scène européenne, avec cette petite folie sud-américaine par-dessus. C'est pas sans rappeler un groupe comme Vulture. C'est vraiment dans le même esprit, speed à fond les ballons, avec touche années 80, aussi bien en termes de prod que d'interprétation. Donc c'est vraiment un groupe très chouette. Leur premier album s'appelle Sharp Magic Steel. Bon voilà, hein, c'est pas très original, mais ça passe. On s'écoutera le morceau Crimson Obsession. Et après ça, on va rester dans un style assez années 80 avec un groupe qui nous vient de Slovaquie, qui s'appelle Malokarpatan, et qui nous fait en fait un mélange entre un espèce de proto-black et avec du heavy metal. Donc il faut imaginer un petit peu la scène black d'Europe centrale, hein, de style Tormentor, Master's Hammer, avec des grosses influences heavy occulte à la Merciful Fate. C'est actif depuis une dizaine d'années, ça vient déjà de sortir un quatrième album qui s'appelle Vertumnus Caesar. On va d'ailleurs s'écouter le titre de l'album parce que les autres morceaux, la plupart sont en slovaque, sont très longs et très très durs à prononcer, donc là on va faire au plus simple. Donc tout de suite on s'écoute Reckless et enchaîner avec Malokarpatan. Ah, et Vel vient de dire qu'il était ultra chaud à prononcer les titres d'album en slovène pour Malokarpatan. We'll be right back. druhý, cisár rímský a král český, prima. Zlodej spokoja to zvědělé, osvětlej za mělou odečná observatoria, mezi armi a armi své armi prajou, nedaj jsme si těla, ty se mene odál, předečítaj pláta našeho sudu. Jak varodí na vlíž času, neobrazem božstva, poutovali ode světě smrtelný kou.